Tu m'as dessus chouchou, je suis resté ignoble. Vraiment je suis touché par tout mon cœur, à la Binyaza mon amour. Et ben mamie, et ben yé, et ben na motema yadie. Sokande osala kangai boye, ngana ke mosala yo na bare. Nakangi yo na mobali na bare, bozali komela. Balobaka na ngai na ndimaka te, lobela ngai nini olingi mama. Soki mpe mosolo kobanga te. Ma dessus chouchou, je suis resté ignoble. Vraiment je suis touché par tout mon cœur, à la Binyaza mon amour. Zokande osala kangai boye, ngana ke mosala yo na bare. Nakangi yo na mobali na bare, bozali komela. Balobaka na ngai na ndimaka te, lobela ngai nini olingi mama. Soki mpe mosolo kobanga te. Madame chouchou, je suis resté ignoble. Vraiment je suis touché par tout mon cœur, à la Binyaza mon amour. Namoni yo oh, namona ki yo eh. Nyonso balobaka na nga nandimi, nandimi asala na mikosaka. Confiance et zalite. Nako kanga mote ma poto botina yo bana. Mami. Ah, nasi na yebi eh. Na yeba kate eh. Neyo zala kaboye mami. Nandimi asala na mikosaka. Zalite nakoka nga mote ma poto botina yo bana mami namoni yo oh, namona ki yo eh nyonso yo lobaka na nga ya lokuta nandimi asala na mikosaka na mokili oyo. Zalite nakokanga mote ma poto botina yo bana mami. Thank you. loba loba kananga na ndimi Nandimi ya sala na mikosaka Na mokili yoyo Confiance ezalite Na kopanga motema pota boti na yobana Mami Tu m'as dessus chouchou Je suis resté ignoble Vraiment je suis touché par tout mon cœur À la Binyaza mon amour